C'est la période de questions. Je vais aviser les séminaristes que la conférence privée aura lieu le 16 juillet, c'est-à-dire dimanche prochain à 13h30, ici même. Donc, la première question. Une seule fois, avant de dormir, j'ai tombé dans un trou noir. Quelques instants. C'est quoi? J'ai une autre question. Ça dépend du trou. Si le trou était totalement noir, c'est qu'elle a simplement, comme elle dit, tombé dans son ajusteur de pensée qui était ouvert dans le plan ciel. C'est de l'énergie, c'est-à-dire que pour l'humain, pour l'ego de l'homme, il n'y a rien. Est-ce que c'est dangereux? On entend que, en tout cas, j'ai déjà entendu que lorsqu'on rêve, qu'on tombe dans un précipice, effectivement, on peut mourir. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est pas la même chose. C'est parce que normalement, le corps astral, soit que le corps astral est présentement assujetti à une mémoire d'une personne qui tombe et qui se tue. Donc, si elle est dans une phase d'extra-conscientisation astrale, de rêve, d'un niveau, disons, en haut de 80% de conscientisation à l'intérieur de ce rêve, et effectivement, le corps astral va avoir la capacité de recopier l'expérience biologique du rêve dans l'expérience réelle du corps physique, donc de détruire le corps physique comme dans le rêve, le corps physique supposé être détruit. Alors, effectivement, elle est tombée dans son lit, elle est morte. Mais pourquoi ça fait peur bien souvent? C'est simplement le corps astral, la conscience qui chemine dans un temps à une vitesse telle, disons, que spirituellement, on peut dire que c'est le corps astral qui pénètre trop rapidement dans le corps physique, ce qui donne l'impression de la chute, et l'individu se réveille dans son lit à toute vitesse, c'est quand le corps astral est rentré dans le corps physique. Quel est l'emploi, job, idéal pour moi présentement? Un travail qui paye. Comment entrer dans l'initiation solaire avec le doute? Je veux voir des choses intelligentes, je les vibre, mais ce doute me rend stagnante. Donc, ce doute est douteux. Est-ce le doute du doute? Si oui, quelle est la différence des deux doutes? D'où provient le doute du doute? C'est un doute intellectuel. Est-ce anti-évolutif de faire un testament biologique pour empêcher qu'on maintienne le corps en vie par des moyens artificiels? Y a-t-il encore possibilité d'évolution dans cet état? C'est dommage de devoir faire ça. Mais, comme j'expliquais la semaine dernière, quand on est humain, on achève la vie des animaux blessés. Puis quand on est humain, on continue à entretenir la vie des humains malades et blessés et puis faits. Alors, effectivement, on devrait tous obliger les humains de laisser le corps physique mourir si le corps physique est plus capable de supporter la vie. Est-ce possible de vous rencontrer personnellement? Vous ne restez pas longtemps après les conférences. Faites-vous de la consultation privée? Bon, je ne fais pas de consultation privée. Je ne reste pas longtemps pour jaser avec les gens parce que normalement, après une conférence, les gens ont suffisamment d'informations. Par contre, je rencontre à peu près uniquement ceux qui ont fait le séminaire parce que il y a des choses que je ne dis pas comme ça en conférence-là, mais qui sont acceptées entre les séminaristes et moi, ce qui fait que je n'ai pas de problème karmique de rencontrer les gens. Je ne donne jamais de conseils. Par contre, on peut discuter. Et de cette façon, les personnes que je rencontre sont des gens qui sont toujours les bienvenus pour la simple raison que ils ne sont pas têteux. Voilà. C'est clair. Dans une période de ma vie actuelle où j'ai commencé à conscientiser le fait que je me conscientisais, j'ai dû à quelques... Je fais juste... Oui. Très simple, c'est que qu'est-ce que pour moi un têteux, évidemment, c'est quelqu'un qui tête de l'énergie, qui prend de l'énergie. Et ces personnes-là ont une tendance consciente ou inconsciente à s'assujettir rapidement à moi. Comme je ne suis pas un maître, je ne suis pas un gourou, je ne veux pas être ce genre de choses, je préfère avoir des amis plutôt que des disciples. Normalement, je ne rencontre donc que les séminaristes, c'est-à-dire ceux qui, après 2 jours avec moi, sont sevrés. Dans une période de ma vie actuelle où j'ai commencé à conscientiser le fait que je me conscientisais, j'ai dû à quelques reprises, en un court laps de temps, quelques semaines, me défendre contre l'idée du suicide. À cette époque, on disait dans ma tête que ce serait logique, que de toute façon, puisqu'il n'y avait pas de libre arbitre, je ne servais pas à grand-chose. Peu de temps après, j'ai fait votre séminaire intensif et j'ai réalisé, compris, que le je, le moi, l'ego essayait subtilement mais efficacement de se débarrasser de moi, l'esprit. Puisque cela n'a pas fonctionné, je ne me suis pas suicidé, suis-je maintenant à l'abri de ce phénomène? L'individu qui se considère... Lorsqu'il est refroidi, l'individu qui se considère à l'abri n'est pas nécessairement à l'abri. Autrement dit, lorsqu'une personne est suffisamment mentalisée, suffisamment réchauffée, énergisée, et bien on lui pose la question, « Es-tu à l'abri? » Elle répond « Oui, c'est oui. » C'est évident. Mais lorsqu'une personne se pose la question et se dit « Ah, selon moi, je suis à l'abri », c'est nécessairement l'ego qui pose la question parce que le mental, le sachant, ne se pose pas la question. Donc, une personne qui a vécu, bon, après le séminaire, c'est évident que l'ego a beaucoup plus d'informations pour pouvoir pallier ce genre de choses. Mais on doit considérer qu'on ne doit pas s'endormir. Donc, on ne devrait pas considérer qu'on est 100% totalement à l'abri, sauf si on est suffisamment mental, c'est-à-dire qu'on est suffisamment quotidiennement mental, ou bien si on a pu expérimenter qu'on a des mémoires d'intervention qui nous conservent en vie. Autrement dit, la personne, ici, pendant la période de temps où elle a eu le goût du suicide, bon, avant le séminaire, elle ne s'est pas suicidée. Donc, elle a des mémoires d'intervention suffisamment puissantes pour la préserver. Maintenant qu'elle a fait le séminaire et qu'elle a des mémoires d'intervention qui, déjà, anté-séminaire, étaient suffisamment puissantes, il n'y a sans doute aucun problème qu'une âme tueuse vienne la chercher. Donc, quand même mieux dormir les yeux ouverts. Ça sèche. Les oreilles, c'est... Qui étaient les trois personnages présents lors de l'expulsion de l'antihomme du Nazaréen dans le désert? Ont-ils été imprégnés de son antihomme? Bon, la première question était plate, mais l'autre est bonne. Ont-ils été imprégnés de son antihomme? Oui, c'est une question, ceux qui me regardent, mais en tout cas, on revient après, on va passer les autres ici, parce que si j'embarque avec celle-là, là, c'est bien. Que se passe-t-il? Première question. Continue. Je suis arrivé dans la chambre, j'avais froid et j'ai voulu mettre le gilet. Je regarde d'où je le place d'habitude, pas de gilet. Je vais aux toilettes et je reviens. Le gilet est exactement à la place où j'avais regardé avant et je suis seul dans la maison. Le gilet était-il toujours là mais invisible à mes yeux ou était-il ailleurs et qu'il est apparu par la force virtuelle de la forme? Un être supramental vous répondrait, tu voulais un gilet, tu l'as trouvé. Qu'est-ce que tu as chiolé? Ou bien le phénomène se passe-t-il à l'intérieur de mes neurones et que je ne peux plus maintenant me fier à mes sens? Je sais que tout est possible, mais ça fait bizarre et amusant. Explique. Et c'est ça. Ça fait bizarre et amusant. Alors, bizarrisez-vous et amusez-vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, bon, voilà. La personne, elle dit, est-ce que le gilet était là, mais invisible à mes yeux? C'est ça. Est-ce que le gilet était ailleurs pendant que je t'ai voir? C'est ça. Puis je peux lui en sortir 40 autres. L'idée, simplement, c'est qu'il y a une obligation de la part de votre ego d'accepter des choses qu'on entend parler comme ça, mais qu'on espère que c'est vrai, qu'on espère qu'on va vivre, mais qu'on ne croit pas qu'on va vivre, parce que finalement, on espère qu'on ne les vivra jamais. On espère qu'on va pouvoir continuer à espérer qu'on va les vivre. Et quand ça arrive, eh bien, l'ego est sur-dessus de ça. C'est simplement intéressant. Il y a eu un moment donné où, quand j'étais jeune, je m'amusais, et je m'amuse encore d'ailleurs, et j'étais couché sur un plancher, je voulais faire de la lévitation, je voulais monter. Alors, après avoir essayé toutes les recettes possibles imaginables, puis je passais mon temps à vérifier en dessous de moi, voir si c'est... Et ça ne fonctionnait jamais, parce qu'à un moment donné, dans ma tête, c'était bien clair que si je me levais, j'étais couché sur une couverte. Si je me levais et que la couverte levait avec moi, la couverte devait être aussi dure que le plancher. Toutes les molécules de la couverte devaient être levées en même temps. Donc, je ne pouvais pas, biologiquement, savoir que j'étais levé, il fallait que je vérifie en dessous de la couverte. Si je touche encore le plancher, bien là, évidemment, à moins que le plancher le veuille avec moi, mais là... Et puis, à un moment donné, bien, c'est ça, l'ego travaillait, inlassablement. C'était une pratique régulière qui faisait que ça m'endormait. Et à un moment donné, bien, je couchais à terre au-dessus de mon lit à cette époque-là. Et puis, à un moment donné, ben, je vérifie encore, puis effectivement, j'étais à quelques pouces du plancher. Alors, je suis tombé violemment sur le plancher. Et ça prend énormément de temps avant que l'ego te repermette de faire ce genre de choses. Ce que l'ego veut, c'est vouloir, mais pas atteindre. Alors, la personne, elle vit des choses, et bon, qu'elle trouve ça bizarre, qu'elle s'amuse, c'est impeccable, c'est parfait, c'est génial, que ça en reste là. On se fout de savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'idée, c'est que vous l'avez vécu, absorbez l'énergie, puis continuez à aller chercher du neuf. La journée qu'un chevreuil vient vous faire une grande lichette en plein visage, en pleine forêt, puis qu'il s'en va après, demandez-vous pas qu'il... Non, il suit vous, puis continuez à marcher. Et puis vous allez voir que de plus en plus les choses vont être comme les autres humains vont aimeraient avoir. À Saint-Légoris, la lévitation à l'envers, est-ce que je suis planché, la maison de 130 pieds? C'est... Lorsqu'il y a cellularisation et que le supramental descend, est-ce que... Je recommence. Lorsqu'il y a cellularisation et que le supramental descend, est-ce comme que... Comme à Saint-Légoris? Est-ce que le corps physique réagit? Si oui, comment? Bon, cellularisation, cela veut dire coder dans le code génétique de l'expérience. Cela fait en sorte que l'apprentissage que l'expérience devait amener à l'humain, à l'animal humain qui fonctionne par essai et erreur, est maintenant chez lui une chose instinctive, elle lui appartient. L'exemple, une personne qui fait 80 années de pratique de yoga et qui est devenue très calme, lorsqu'elle abandonne le yoga, 6 mois après, elle a perdu son calme. Le calme appartenait donc au yoga. La personne qui en fait pendant 15 ans, et lorsqu'elle l'abandonne, elle reste calme, le calme, maintenant, lui appartient, il a été cellularisé. L'évolution se cellularise uniquement si nous sommes attentifs, donc conscients, dans ce que nous pratiquons. Exemple, vous pratiquez du conditionnement physique, et pendant que vous le pratiquez, vous faites de la course à pied, et puis finalement, vous êtes n'importe où, sauf dans vos souliers, eh bien, vous devrez faire de la course à pied toute votre vie. Mais vous faites pendant un an de temps de l'entraînement physique totalement conscient, vous n'aurez plus jamais besoin d'en faire, votre corps va être en condition physique. Comme on prend 2 chevaux, un pinto, on prend un percheron, ce sont deux chevaux de 2 races différentes, le pinto va brouter de l'herbe à côté du percheron, les deux vont brouter la même chose, ils vont faire la même chose, le pinto va courir un peu plus que le percheron, il va faire plus d'exercices que le percheron, mais le percheron, qui est un cheval de travail, sera capable de traîner 10, 15 pintos en arrière de lui, puis il n'aura jamais rien fait pour se pratiquer. Sa génétique le bâtit musclé. Quand c'est cellularisé, on n'a pas besoin d'entraînement. Chez nous, comme d'ailleurs dans le règne organique, le vieillissement est aussi cellularisé. Et la mort, des choses qu'on doit changer. Lorsqu'il y a cellularisation et que l'énergie supramentale descend, ce que le corps physique réagit énormément. Premièrement, il y a des pertes de mémoire qui sont fréquentes chez l'individu qui se conscientise. Il y a des mutations neuroniques. La première mutation va être, bon, évidemment, il va y avoir une agression de l'ego. Agression de l'ego veut dire instruction de l'ego, comme on l'a vu un peu lors de la première partie. Lorsque l'ego est agressé, l'ego s'exprimant uniquement par les voies hypothalamiennes, par l'hypothalamus, par sécrétion endocrinienne, alors on aura des tachycardies, des accélérations cardiaques, on aura des transpirations, on aura un paquet de choses physiques, on aura des maladies, on aura une surénergie, on aura une faiblesse marquée, on aura un paquet de choses en genre. Super nerveux, hyper irritable, super calme, super patient, super impatient, on s'amusera parce que l'ego essaie de se retrouver. Il a de la difficulté à se retrouver, l'intelligence venant justement l'instruire ou le fracasser. Lorsque l'intelligence commence à forcer le mental à devenir le seul maître contrôleur à bord du corps physique, il y aura un désassujettissement progressif des voies thalamiennes, donc du thalamus, de l'ego vers le mental. Première chose, c'est ce qui rend extrêmement frustrant l'évolution. Les voies âme-corps sont le thalamus. Les voies corps-âme sont l'hypothalamus. Pardon, l'inverse. Les voies corps-âme sont le thalamus et les voies âme-corps sont l'hypothalamus. Ce qui arrive, c'est que lorsque l'être humain vit, lorsque l'être humain exprime des choses, il essaie dans son évolution de prendre le contrôle. Si l'être humain devait, dans sa mutation supramentale, prendre le contrôle des voies hypothalamiennes, donc le contrôle du corps physique, avant de prendre le contrôle du thalamus, ce qui lui permettrait de connaître le monde, il pourrait contrôler un corps physique et il ne saurait pas quoi faire dans son contrôle. Donc, première chose qui arrive au niveau de la mutation, au lieu d'assujettir le mental à l'hypothalamus qui va contrôler votre rythme cardiaque, votre sommeil, votre digestion, tout ce qu'on appelle les états émotifs, qui va contrôler carrément la vie du corps physique, avant, on doit désassujettir le thalamus, qui lui sert de voie entre le corps physique, l'expérience sensorielle du monde et l'âme. On doit le désassujettir de l'âme pour le connecter au mental. Autrement dit, pendant cette période biologique, ça ne paraît pas trop encore dans la tête, quoique des bourdonnements d'oreilles, on a à un moment donné l'impression que notre main brûle ou que ça pique quelque part, puis on a beau gratter, puis ça pique pas. C'est le cerveau qui enregistre des mécaniques qui n'existent pas biologiquement. Pendant cette période de temps, le mental va observer le monde, et grâce au rectificateur de pensée qui est la première chose à naître dans un mental supramentalisable, après c'est l'ajusteur de pensée, lorsqu'il va voir le monde, il va le décoder d'une nouvelle façon. Alors il va dire, crime, c'est pas comme j'ai pensé. Et lentement, il va finir par se dire, c'est effectivement, ce n'est pas intelligent de manger d'une façon de détruire son corps physique. Mais il va continuer à manger en détruisant son corps physique. Pourquoi? Parce qu'il a le contrôle de la mécanique qui permet de décoder, mais il n'a pas encore le contrôle de la mécanique qui contrôle le corps physique. D'où la frustration grandissante d'un ego qui, informé par le mental de l'absurdité des choses, est informé aussi que le mental le sait, mais ne peut rien faire. Lentement, le mental va prendre le contrôle du système hypothalamien. Et là, il y aura une mutation plus évidente dans la biologie. Sexuellement, le mâle comme la femelle est déjà en avance là-dessus, mais sexuellement, le mâle comme la femelle vont se diriger progressivement vers une espèce de stérilité psychologique. Énergétiquement, elles n'auront plus le goût de la sexualité, les fréquences vont diminuer. Chez la femme, elle peut finir par avoir des dérèglements des cycles menstruels. Elle peut commencer à avoir des menstruations au mois et demi, aux 2 mois, aux 3 mois, aux 6 mois, aux années. Et il y en a qui en ont plus du tout. Est-ce que la ménopause peut arriver plus vite? Ce n'est pas de ménopause. Alors, ce n'est pas de ménopause. Ça peut y ressembler. Ben, ça y ressemble dans ce sens qu'elle a peut-être 18 ans, 26 ans, 40 ans, et puis elle n'a apparemment plus de menstruation. Mais c'est qu'au niveau endocrinien, les sécrétions restent les mêmes. La femme ne se perd pas, elle se retrouve. L'ego continue à s'exprimer dans le même système endocrinien, mais il n'y a pas ovulation. Conservation d'énergie, formation du cerveau. Le mâle, c'est la même chose, avec de moins en moins le goût de faire l'amour. Conservation d'énergie vitale, donc cela se dirige vers le centre laryngé, développement de la parole juste, et du cerveau, parce que la parole sert à développer la pensée, mais il faut aussi que le cerveau puisse être capable de supporter neuroniquement les mécaniques. Il y a augmentation de la capacité d'olfaction, de gustation, d'ouïe. Il y a augmentation de la perception visuelle. Je ne parle pas de la vision, je parle de la perception, c'est-à-dire une vision qui n'est pas nécessairement reliée à des cônes, qui nous permet d'englober des mécaniques qui fait presque 360 degrés à un moment donné, qui semble être oculaire. Elle n'est pas oculaire, c'est pourquoi je ne parle pas de vision, je parle de perception, mais dans le corps vital, ça se place au niveau des yeux. Lentement, il y a donc ce genre de choses qui va changer. L'humain va prendre de l'eau, va goûter l'eau, et si elle a les mots, elle va pouvoir dire carrément de quoi est constituée l'eau. Alors, elle n'aimera pas ça. Il y a plusieurs choses dans ce genre qui vont se passer. Certains sont malades par une égoïsation, mais habituellement, la santé revient par la suite. Alors, grosso modo, les transformations vont s'en aller dans ce genre-là. La personne va cicatriser ses plaies plus rapidement. Elle sera de moins en moins malade, de moins en moins fatiguée. Quoiqu'elle peut passer par une étape où elle sera extrêmement fatiguée physiquement. Pourquoi? Parce que, quel que soit son âge, subitement, elle est en pleine croissance. Le cerveau recommence à se reprogrammer. Alors, elle aura besoin de 12 heures, 14 heures de sommeil, souvent régulièrement, elle en aura besoin beaucoup. Il y a donc plusieurs phénomènes biologiques qui vont se faire sentir. Sauf que les oreilles ne deviennent pas pointues, puis des choses comme ça. presque au pot. Non. Comment tirer des armes pour nous aider? Est-ce possible? Bon, si la question serait comment tirer des armes pour nous aider? Comment tirer des armes pour nous aider? Une arme, c'est de la mémoire. Sachez une chose, c'est une ventouse. Ça va aller vous aspirer dans votre trou. Une fois que vous êtes collé dessus, ben vous restez après. Alors, une arme, si on prend une arme supérieure à notre état évolutif, donc à notre état vibratoire, elle peut nous amener à son état. Après ça, on va dire, maintenant, on va aller chercher une autre arme. Non, elle ne veut pas. Vous restez là. Alors, pour se faire aider, allez chercher votre esprit. Pour aller chercher son esprit, on ne peut pas le prier. Parce que quand on prie, on va attirer une mémoire d'esprit. Quand on prie, on parle dans le monde de la mort, on nourrit le monde de la mort. Ce que l'on doit faire, c'est intelligencer les choses. Conserver un axiome. L'homme doit être son seul maître. Et si lentement vous concevez ce que j'entends par aristocratie, ou aristocratie planétaire, vous allez finir par ajuster votre onde de forme pour permettre la réincarnation d'armes, de mémoires, qui sont ajustées à une onde de forme de personnages puissants. Pas du monde, pas des gens qui ont du pouvoir, des gens qui ont de la puissance. C'est contrôlé, ça. Vous allez attirer des mémoires de personnes qui ont des facilités matérielles, des personnes qui ont la capacité événementielle d'exprimer de l'intelligence. Vous allez donc continuer à vous intelligencer, mais on n'attire pas des armes pour nous aider. Une arme qui vient vers vous, c'est pour vous posséder. Si vous êtes plus bas qu'elle, vous aurez l'impression qu'elle vous aura aidé. Mais après ça, vous serez prêt avec elle. Il faudrait un exorcisme ou un maudit bon séminaire. Que faire pour aider un enfant ou une autre personne qui, soudainement, lors d'une frustration, se met dans une colère noire? Ça dépend de l'enfant, ça dépend de la personne, ça dépend de la colère, ça dépend de son état psychologique. Une chose qui est faisable, c'est de faire tourner son ego. L'ego est une boule. Disons, c'est multiforme. Et il y a une seule petite partie de l'ego, c'est pluriconstitué. Il y a une petite partie qui est celle que l'humain exprime normalement, disons le phénomène pacifique. Ça, c'est ce qui est dans la conscience de l'homme, c'est réfléchi dans son système neuronique, c'est exprimé par le corps physique. À un moment donné, on donne un coup sur le corps physique, et l'ego tourne, et l'ego cesse de tourner. La partie qui maintenant peut s'exprimer, c'est une partie qui est colérique. Alors, nécessairement, c'est la colère. Vous devez empoigner, par exemple, l'enfant, puis le taper assez raide sur un mur, pas crier après lui, vous ne devez pas synergiser la colère. Un peu comme ceux qui ont vu, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ben, y a une femme, à un moment donné, qui se met à crier, puis tout le monde passe autour de rôle, donne une claque en plein visage. Ben, ça calme. Alors, il y a ça une... Ça calme celui qui la donne, en tout cas. Ah, ben, ça calme tout le monde. Mais il y a possibilité... par mouvement brusque du corps physique, d'obliger l'ego à repivoter. Et là, l'individu revient à lui. C'est évident que si je me mets en colère ou si je décide d'avoir du pouvoir, je le ramasse, puis là, je suis tout fier de pouvoir taper dedans, c'est pas de la puissance, c'est du pouvoir. Le pouvoir, c'est lorsque la puissance est au service de l'ego. Alors, il y a donc une possibilité. Un exemple, quelqu'un qui peut faire un bon quiaille convenable, bien, la personne se met à crier énormément, puis là, vous êtes capable de lui faire un quiaille suffisamment pétrifiant. Un quiaille, ceux qui ne savent pas, c'est un cri qui communique de l'information d'intelligence, ou une idée émotive, ou de pensée. Alors, ça bloque immédiatement l'individu. Bien, pendant que c'est bloqué, l'ego va se mettre à tourner, et puis on libère l'individu de sa colère. On peut faire ça aussi avec un épileptique ou d'autres genres de personnes. Alors, évidemment, ça dépend des individus. Ces temps-ci, l'astral s'en donne à cœur joie avec moi. On va pas ces temps-ci, toujours. Ces temps-ci, on est plus conscient. On vole mes bicyclettes, retard dans mes chèques, téléphone dérangeant, etc. Au moins 2 à 3 événements par jour de ce style depuis une semaine. Je trouve ça compte. Une semaine. Je trouve. trouve con que l'astral se donne tant de peine, puisque déjà un événement par semaine suffira à m'écœurer de vivre. Il devrait s'en prendre à ceux qui veulent vivre à tout prix, pas à moi, parce que ce n'est pas mon cas. Il ne manque qu'un cristaux pour que le précipité se forme. Autrement dit, je suis au bord du bord. N'en jetez pas plus. N'en jetez plus. C'est un écœurement de principe, c'est-à-dire pas astral. Comment arriver à aimer vivre une vie qui ne m'apporte rien? C'est pour quand, dans un an ou dans 10 ans, la négolisation? Ben, évidemment, c'est sûr que si ce genre de question n'est pas posée par l'ego parce que n'est pas structurée par l'ego, c'est déjà beaucoup plus rapide, la négolisation étant déjà relativement avancée. L'individu, ce que l'individu demande ici, ce que l'ego demande, évidemment, ce n'est pas le mental, ce que l'ego demande, parce que c'est un écœurement de principe qui sert uniquement à l'ego. Ce que l'ego demande, c'est ne me libérez pas. Si vous m'écœurez trop, vous finirez par éclater. Si j'éclate du bon côté, vous allez être libéré. Alors, une fois par semaine, c'est suffisant. Vous allez être capable de m'étirer pendant 50 ans. Sauf que si sa génétique est intéressante pour l'intelligence supramentale, on ne l'étirera pas pendant 50 ans. On va cumuler les choses et on va aller chercher exactement ce qu'on a besoin pour que finalement son ego commence à comprendre ce que c'est qu'un contact avec l'intelligence. Mais je me suis fait voler mon basic. Moi aussi, je me suis déjà acheté un basic. Un beau basic neuf. J'ai jamais eu de basic neuf. J'étais tout content, tout fier de mon basic. C'était un Canadian Tower. C'était rien d'extraordinaire, mais quand même. Et puis, je le place. J'ai acheté une belle petite chaîne. Et puis, je l'ai attaché dans le garage. Et puis, je m'en vais travailler. Et puis, je reviens le soir. Plus de basic. T'es fait voler la chaîne avec? Ah, tout complet. Plus de basic. Alors, je me suis acheté un deuxième basic. Un peu plus cher, avec une tige de métal. Là, ce coup-là, je me suis dit, il faudrait qu'il coupe toute la tige, puis la tige de plomberie. Et j'ai acheté ce bicycle. Mais j'ai perdu mes clés. Et finalement, je les ai retrouvées. Mais c'était quand j'avais plus de bicycle. Enfin, dans ma tête. Et savez-vous ce que c'est que la négoïsation? Enfin, je voulais savoir pareil. La négoïsation, c'est pas nous qui décidons. Qu'est-ce que doit être la vie pour nous faire évoluer? La négoïsation, c'est l'agression de l'intelligence par le biais de l'astral, de façon à ce que vous finissiez par vous détacher des manipulations idiotes de la planète. C'est quoi les manipulations idiotes de la planète? Je peux t'en amener pour moi. Oui, je sais. Mais là, je me suis fait voler mon basic. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ton basic? Oui, mais ça me permettait de... Non, ça te permettait de rien, ça te permettait de t'occuper. Mais ta vie, c'est pas un basic, c'est pas une heure de travail, c'est pas une année, 2 années, 3 années, 20 années. C'est pas ça, la vie. L'importance des choses est toujours mal placée et on s'écarte lorsque l'illusion manque. C'est pas ça qui est le travail du tout. Vous perdez un œil, vous perdez votre moustache, votre barbe, vous perdez votre basic, vous pouvez une crevette. L'important, c'est ce que nous sommes, nous. Comment réagissez-vous aux choses? Bon, l'individu doit parvenir dans son évolution à ne plus être réactionnaire aux mécaniques planétaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez plus être souffrable en fonction de la mécanique absolument animale de l'évolution de la planète. Autrement dit, vous ne devez plus être soumis à des frustrations parce qu'il pleut, parce qu'il neige. Ou parce que le BC n'est plus là. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir de l'argent. À un moment donné, vous allez avoir de la matière. À un moment donné, vous allez avoir de la liberté. Si vous n'êtes pas capable de supporter de perdre un BC, comment allez-vous supporter d'avoir une Rolls-Royce? Jamais. Vous ne pourrez pas. L'individu, il dit, moi, je me suis contrôlé. Chaque fois que je perds à la loterie, ça ne me dérange plus. C'est pas ça le problème, c'est quand il va gagner qu'on va le perdre, nous autres. Il va sécréter, il va s'en aller, il va éclater, il va tout dire. Fini! L'individu, il est correct, il est bon, il est stable. La journée que l'intelligence commence à lui ouvrir les vannes, le peu d'ego qui reste devient te mettre tout ça à terre au complet. Vous n'avez aucune idée de ce qui attend l'humain. Au Tibet, on est comme brillant. C'est mécanique, c'est réactionnel, ça, pour, mais c'est comme brillant. L'enfant d'une famille riche, quand il est jeune, on bûche dedans. Pourquoi? Parce que quand il va être adulte, il va hériter. Alors il doit apprendre immédiatement ce que c'est que la souffrance pour pouvoir mieux contrôler sa puissance. L'enfant d'une famille pauvre, on le gâte. Il va manger tellement de problèmes quand il va être adulte que là, présentement, sa vie est très belle. Or, le fils de riche, lui, il est habillé tout croche. On donne son beau linge au pauvre, au fils de pauvre. Alors, on lui donne une tablette d'argile qui s'effrite. Le fils de pauvre, il est ce qu'il faut, lui. On lui donne des souliers, des boîtes. Le fils de pauvre, il est ça, lui. On lui donne un cerf-volant tout croche travers au Tibet. Le fils de pauvre, il est un beau cerf-volant. Mais quand le fils de riche arrive à être un adulte et qu'il hérite, c'est là qu'il gagne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que vous regardez, que vous jalousez et qui sont bien. Il y a un apocalypse qui plane au-dessus de tout le monde. Ceux qui dorment sont bien. Apparemment, vous ne connaissez pas l'avenir. Il y en a d'autres personnes qui doivent découvrir, expérimenter, habituer leur ego déjà à ce que la matière soit une farce. Parce qu'à un moment donné, il y aura probablement une perte plus grandiose d'espoir, de possibilités matérielles du point de vue de l'ego, à cause de problèmes sociaux. Et à un moment donné, entre les mains de ceux qui passent, des aristocrates planétaires, vont être remis des contingences matérielles. Mais là, il faudra que l'ego soit habitué à... Il faudra que l'ego... qui perdent 1 million, qui gagnent 1 milliard, que ça fasse rien de plus que si on lui avait donné une pomme. Mais là, on commence avec le basic. C'est pas ce que vous perdez, c'est pas ce que vous mangez comme marde qui est le problème. Ça, c'est juste vous habituer. C'est facile de résister aux pertes, mais allez chercher. Il y a un film présentement, un déménagement d'une quelconque famille. Ça plagie différentes choses. Avoir, c'est extrêmement plus pénible d'évoluer quand on a que quand on n'a pas. Pas parce que la souffrance fait évoluer, non, la souffrance, ça fait souffrir. Mais c'est plus facile pour un ego d'être égoïsé, d'être terrifié, quand il n'a pas trop de quoi s'attacher pour pouvoir dire, tu vois, j'avais raison. Moi, je vais dire, par exemple, je vais vous conter une chose, si vous... Faites ceci, cela, j'allais gagner la loterie. Moi, je vais le faire, samedi prochain, d'aller voir. J'arrive, je suis millionnaire. Ah, ça va? C'est l'ego qui parle, juste de l'ego. Avant, je vais être là, bien calme, méditation trans-supramentale et très anégoïque. Pouf, gagne 7 millions de dollars. Puis quand je reviens, hein, je t'avais dit, juste de l'ego qui parle. Alors que si je médite trans-supramentalement puis que je perds mon basic, bien, je reste supramentalement branché, l'ego a de la difficulté à embarquer, parce que l'ego n'a pas de preuve qu'il mène le jeu. Il ne mène pas le jeu, c'est l'intelligence, c'est votre esprit qui mène votre vie. Mais parce qu'il y a le virus de l'ego qui, chaque fois que l'esprit fait quelque chose, il s'imagine que c'est lui, l'ego, c'est le problème. Détruire, c'est-à-dire transformer l'ego en solution, le double éthérique, c'est le travail. Si vous gagnez égoïquement ou planétairement trop vite de choses, ben l'ego gonfle. C'est pas ça qui est l'idée. Alors, présentement, l'individu est rendu une phase d'évolution telle qu'elle passe en deuxième vitesse. Et puis là, elle préférerait la première vitesse, peut-être même le nœud d'une pente, là, ou le vent. Bon. Ceux qui, dans la conscientisation, ont d'énormes problèmes. Et c'est le cas de le dire, je suis heureux pour vous. Pas tout de suite. Mais plus tard. Encore une fois, rendez-vous là. Restez en vie. Le Nazaréen parlait toujours de son père, qu'il appelait d'ailleurs père. Or, sur la croix, il n'a plus dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » mais « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il ne se considérait plus comme le fils de son père. Pourquoi l'ego a-t-il dit « Dieu » au lieu de continuer à dire « Père? » Bon, ce n'est pas des traductions. Il avait un nom pour le phénomène en question. Premièrement, le Nazaréen ne parlait pas toujours de son père. Il y a Jésus qui lui parle. Devient le Christ. Christ qui se connecte à un corps physique qui appartenait chez Josué, le fils de Joseph, Jésus. L'alliance entre les deux va faire en sorte qu'à un moment donné, va être exprimée pendant un grand laps d'années, les deux personnages connus sous le nom de Jésus-Christ, ou le Christ Jésus. Le Christ, l'intelligence supramentale, et le phénomène égoïsé Jésus. Il l'appelle Père dans le ciel, il l'appelle Père dans les cieux, et à un moment donné, finalement, il dira « Je suis ». Lorsqu'il arrive sur la croix, la partie christique abandonne le corps physique, abandonne donc Jésus, et se retire. Se retirant, ben, il reste évidemment l'ego, Père, mon Dieu. Pour lui, c'est la même chose. La traduction, elle peut se faire dans les deux sens, elle est correcte. Et c'est simplement l'ego qui, là, comprend vraiment pas pourquoi l'intelligence l'a abandonné. Et c'est lui qui se plaint. Simplement. Est-ce que toutes formes de vie intraterrestres sont aussi des mémoires qui vont être assimilées par l'humain et spiritualisées? Est spiritualisé pour un futur plus écologique et intelligent ou transformé en énergie où il va y avoir toujours anti-homme et la barre. Du centre absolu de la Terre, aller jusqu'à quelques pieds de la surface de la planète, ce sont les mémoires de la création de la planète Terre. C'est l'enfer. Plus nous vivons dans un contexte céleste, plus nous arrivons à créer de nouveaux égrégores, à créer de l'expérience astrale ou céleste dans l'atmosphère de la planète Terre, aller jusqu'au fin fond de l'ionosphère, jusque maintenant, c'est le ciel. Jusqu'au centre de la Terre, c'est l'enfer. Tout ça au complet, c'est la mécanique planétaire d'évolution mémorielle. Intraterrestre, qu'on les considère comme on voudra, ça fait partie des mécaniques infernales. Maintenant, est-ce que cela va devenir ceci, cela, etc., etc.? Toute la planète Terre au complet, à un moment donné, va être totalement digérée, assimilée par la conscience de l'humain. Donc, finalement, tout va être supramentalisé, tout va être, comme le disent les spiritualistes, sauvé. Est-ce qu'une âme tueuse peut habiter longtemps un humain qui a subi une conscientisation, qui a perdu ce contact en devenant dépressif et considéré psychopathe? S'il prend des médicaments, peut-il aider à se libérer de celle-ci et réussir à s'instruire de vivre? L'âme tueuse doit décoder qu'elle est dans un corps physique. Pour décoder qu'elle est dans un corps physique, elle doit s'exprimer par le système endocrinien et arriver à engendrer des réactions biologique particulière, qu'elle va relire par les voies telles la mienne, et là, elle saura qu'elle est dans un corps physique. Les médicaments altèrent le cerveau, altèrent la conduction nerveuse, donc, et aussi altèrent les sécrétions endocriniennes. Donc, si le cerveau est altéré, l'âme a de la difficulté à s'exprimer, donc l'âme tueuse ne pourra pas exprimer totalement ce qu'elle est. Si le système nerveux fonctionne d'une façon différente, la perception de l'expression de l'âme tueuse dans le corps physique va se faire d'une façon mauvaise. Et l'âme tueuse ne parviendra pas à avoir la garantie qu'elle est dans un corps physique. De ce fait, elle ne prendra pas le contrôle du corps physique. Les médicaments aident effectivement. Ne solutionnent pas le problème, mais le temporalisent. Si en même temps il y a une thérapie mentale, quand je parle mental, je fais référence au plan mental, je ne fais pas référence au plan psychologique. S'il y a une thérapie mentale pour que finalement le mental devienne le maître éducateur de l'ego, lentement les processus de mémoire d'intervention anti-suicide seront implantés et les médicaments ne seront plus utiles. Dans votre exposé ce soir, il semble y avoir beaucoup de déterminisme. Est-ce que vos théories relèvent de la philosophie du déterminisme? Si oui, pourquoi tout est déterminé? Il n'y a pas de hasard dans ce monde. De quelqu'un qui veut savoir immédiatement. Ma philosophie n'en est pas une. Elle ne relève d'absolument rien. Je ne fais que parler. Et ben, c'est ça, ce ne sont pas des théories non plus. Est-ce que tout est déterminé? Non. Les déterministes ont tort et ceux qui sont contre les déterministes ont tort. Or, je ne prendrai pas plusieurs heures. J'ai fait différentes conférences sur le libre arbitre. Et l'homme n'a pas de libre arbitre. Il est totalement manipulé. Dans cette mécanique réactionnelle qui le manipule, tout est prévu, sauf qu'on ne sait pas quelle des choses prévues va être accomplie par l'humain. Ce n'est pas déterminé totalement. C'est exactement comme une trame, comme on l'a dans la ville de Montréal. Il y a des routes que vous devez employer. Vous êtes obligé de prendre ces chemins, et on les connaît tous, les chemins que vous pouvez employer. Mais on ne sait pas lequel vous allez prendre. Mais n'essayez pas de traverser à travers les murs des maisons avec vos automobiles, vous ne passerez pas. Vous êtes donc confiné à une manipulation totale, et c'est plus complexe que ça, la mécanique. Une chose, par contre, qui échappe totalement à la mécanique astrale manipulatrice de l'humain, c'est l'intervention de l'intelligence. Toute intervention de l'intelligence mentale n'est pas prévue, n'est pas prévisible. Et c'est là que l'humain commence à se désassujettir progressivement de ce phénomène. Déterminé, non, mais il n'y a pas un égo sur la planète qui contrôle sa vie. Il n'y en a pas. Je sens très nettement que les employés et le patron veulent que je démissionne. C'est l'angoisse. Quoi faire? Devenez patron. Devenez patron. Vous pouvez les faire évoluer. Démissionnez pas. Je ne donne pas de conseils. Y a-t-il des âmes troubleuses qui peuvent demeurer plusieurs semaines ou ai-je été carrément névrotique ou peut-être même psychotique? Est-ce le même phénomène? Dans la mécanique réincarnationnelle, comme j'ai déjà expliqué, l'être humain réincarne des entités régulièrement 24 heures sur 24 tout au long de la vie de son corps physique. À un moment donné, dans la famille ou dans une structure génétique héréditaire familiale, un individu meurt. Il a un corps physique similaire au vôtre où il y a des capacités neuroniques ou endocriniennes chez vous d'exprimer des parties de sa conscience dépressive, par exemple. Et lorsqu'il meurt, une grande partie gagne le monde de la mort, mais de plus en plus, les individus qui meurent se réincarnent immédiatement dans d'autres individus vivants capables de les supporter. De ce fait, à un moment donné, après un laps de temps d'années ou de mois ou de semaines où tout va d'une certaine façon, subitement, vous semblez changer et vous êtes mal pris et vous devez supporter ce genre d'expérience le temps que vous allez digérer ce qui vient de s'incarner. Une fois digéré, vous allez vous servir de l'énergie, donc de l'expérience de ce qui vient de s'incarner. Si on vous digère, vous allez rester dépressif. Si c'était, par exemple, une âme dépressive, ou encore une âme perturbatrice, c'est la même chose. L'astral peut-elle tuer le corps physique pendant le rêve? Si la personne rêve que des entités astrales veulent la tuer, peuvent-ils réussir leur meurtre? Oui, ça arrive approximativement une fois sur 12 milliards et des millions d'épinotes. Ça arrive. Oui, ça arrive à toutes les quelques milliers d'années. Retrouve-t-on aussi des âmes tueuses lors d'avortements? Est-ce causé par des âmes tueuses? Non, c'est autre chose. C'est bien. Présentement, ce qui porte l'humain à avorter, c'est plusieurs mécaniques mélangées ensemble. Premièrement, il y a l'historicité des génocides qui est extrêmement attirée parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas de guerre. Alors, nécessairement, on aura une recrudescence du vouloir d'avorter, c'est-à-dire qu'on veut amener des génocides, tués par millions des individus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de guerre suffisamment grandiose, des vraies guerres. Et présentement, il y a un grand retour des mémoires astrales qui se nourrissent de l'expérience des génocides qui vont servir ceux qui sont pour l'avortement. Par contre, ce phénomène des génocides est intelligent en ce sens qu'il retarde la naissance d'enfants et cela permet à des conscience lucide, on en a déjà parlé, à certaines consciences lucides de s'agglomérer en volume plus considérable, donc en énergie, en puissance et en attraction en masse plus considérable, afin de s'incarner dans des corps physiques encore plus solidifiés. plus l'humain du Québec, entre autres, attend du Québec, Québec ésotérique, donc la majorité du Canada. Puis évidemment, il y a des personnes qui vivent aux États-Unis qui vont migrer vers le Nord à un moment donné. Plus l'humain du contexte Nord planétaire attend avant d'engendrer des enfants, plus il a le temps de cellulariser son évolution, donc plus les corps physiques engendrés vont être capables de supporter des consciences lucides. La conscience mentale des égos du passé, donc, sera plus facilement supramentalisable. Et plus l'être humain attend, plus les corps physiques seront solides. Par contre, si on a des corps physiques extrêmement solides, mais que les agglomérats spirituels de conscience lucide dans le monde de la mort, ainsi que les parties de double éthérique en fusion entre eux dans le plan moronciel, ne sont pas suffisamment grandioses, c'est un peu comme une perte de temps, c'est-à-dire qu'on aura un corps physique génial avec pas suffisamment d'éléments dedans. Ça va prendre encore 10-15 ans, un peu comme nous. Ça va prendre des années, avant d'arriver à réincarner ou à attirer ou à incarner des mécaniques suffisamment globales et suffisamment puissantes pour nous permettre une attraction gravitationnelle sur l'intelligence de façon à nous libérer de la centricité de l'astral. Donc, il y a de l'intelligence dans l'avortement. Comme j'expliquais à un moment donné, ne soyez contre l'avortement, mais ne militez pas contre l'avortement. Alors, ce ne sont pas des armes tueuses, c'est des mécaniques qui sont reliées aux mémoires des génocides planétaires, et en même temps, l'intelligence en profite, ça permet ces deux mécaniques-là. Solidification des corps physiques, puis agglomération des mécaniques de conscience lucide. Travaillant avec des toxicomanes frôlant la mort, quel est mon devoir? Ce qu'il y a à faire. Merci, félicitations. Vous demandez à votre patron, vous lisez les règlements de l'entreprise, et puis c'est votre devoir. Vous n'avez pas comme devoir de sauver l'humanité. Et l'humanité commence par le voisin. Si ça s'adonne que vous en sauvez un, eh bien, vous n'avez pas de mérite. C'est comme ça. S'il meurt, vous n'êtes pas coupable. C'est comme ça. Vous êtes un outil, un élément. Il doit se servir de vous. Vous vous servez de lui pour gagner votre vie. C'est un échange d'énergie. Et ça s'arrête là. Le devoir de chaque être humain est d'entretenir la vie dans son corps physique et de se libérer des traditions et de se libérer des visions émotives des choses. Le reste, tout va venir à un moment donné. Juste parce que vous allez éternuer, votre éternuement va arroser 4-5 toxicomanes et ils vont tous être guéris. Quelle est la différence entre une âme tueuse et un envoûtement? Bon, l'envoûtement est une possession. Possession par des mécaniques astro, donc possiblement des phénomènes amiques, des âmes, dirigé par une conscience déjà incarnée, on dirait, par un individu. L'envoûtement est donc une manipulation. Si on reste spirituel, l'envoûtement est une question de choix. Un individu, à un moment donné, un envoûteur, s'est arrangé pour communiquer avec le bas-fond astral, manipuler des entités pour que celles-ci viennent soit vous perturber votre périsprit, donc achaler votre ego, ou soit carrément vous posséder de façon à vous rendre malade ou à vous tuer, vous faire les choses. L'âme tueuse provient des dieux. L'envoûteur est dieu, tandis que dans l'envoûtement, l'envoûteur, c'est un être humain. Depuis plusieurs années, nous essayons d'avoir des enfants. Nous avons maintenant respectivement 39 et 44 ans. Y a-t-il quelque chose à faire ou devons-nous y renoncer? C'est quelque chose à faire, oui. Devons-nous y renoncer? Ça dépend de vous. Chose certaine, c'est qu'il y a deux façons d'avoir des enfants. Avoir des enfants garantit notre réincarnation. Deux façons d'avoir des enfants. La première, c'est par la génétique. La deuxième, c'est par l'imprégnation. C'est long d'adopter des enfants, mais ça s'adopte. Comment peut-on s'en égoïser quand il y a dans notre âme des mémoires très énergisées diamétralement opposées? Exemple, une partie médiocre et l'autre partie snob ou orgueilleuse d'être dans les meilleurs. Quand une s'écrase, l'autre partie augmente, à moins que ces deux parties ne soient pas opposées. Si elles ne sont pas opposées, qu'arrive-t-il dans un cas où les deux parties le sont? Bon, c'est une personne avec un ego normal. Comment peut-on s'en égoïser? Jusqu'à date, la personne est capable d'écrire sur sa feuille qu'elle a deux parties opposées au niveau de l'ego. Donc, il y a quelque chose chez elle qui est capable d'observer et de retenir l'observation. Il y a quelque chose chez elle aussi qui lui permet d'écrire une question d'une façon suffisamment logique. Donc, elle a un logiférateur, une partie du mental suffisamment développée pour être capable d'observer des choses, de ne pas trop les laisser colorer par l'émotion et de s'en servir. La personne est déjà en train de gagner. Comment faire pour s'en égoïser? Commencer par trouver embêtant d'avoir un ego comme ça. Ne pas se culpabiliser d'avoir un ego comme ça. Ne pas trop se frustrer d'avoir un ego comme ça. Continuez à observer. Vous êtes dans un laboratoire, vous êtes en train d'observer exactement toute la mécanique de l'évolution, c'est-à-dire vous êtes en train de vous observer. Ou d'observer votre ego, pour être plus précis. Vous vous en égoïsez. Chaque fois que vous décodez une partie de l'ego, il continue à vous promener. C'est déjà une partie de l'égoïsation. Vous devenez plus conscient. J'explique encore une fois que vous n'êtes pas le maître parce que vous voyez. Mais étant donné que c'est le thalamus qui s'assujettit au mental en premier, vous allez voir. Mais vous ne contrôlez pas encore. Avant de contrôler, vous devez savoir. Maintenant que vous êtes en train de savoir, vous ne contrôlez pas encore. C'est frustrant. Eh bien, c'est doublement égoïsant. Donc, c'est doublement rapide. Est-ce que les techniques que tu as mises au point permettent de se connecter à l'énergie supramentale, soit instantanément ou progressivement, ou bien de toute façon, la personne est supramentalisable et les techniques ne font qu'adoucir la mutation? Moi, ça ne me dit que ça désastralise, donc ça repose le corps et l'énergifie. Alors les techniques, surtout si elles sont cellularisées, connectent l'individu à cette énergie plus rapidement que s'il ne les pratique pas. La question, la réponse. Pourquoi une personne prépare son suicide 4 jours à l'avance? Parce que la personne qui, à un moment donné, est possédée par une âme tueuse, entrevoit certaines choses. L'âme tueuse est venue la hanter de temps en temps et est venue préparer des mécaniques d'intervention. Les mémoires d'intervention sont des mémoires d'intervention qui vont l'amener au suicide, donc l'âme tueuse est simplement venue préparer une stratégie. L'individu, à un moment donné, est totalement désassujetti de sa conscience, va être totalement possédé par l'âme tueuse, et puis préparé. On parle de 4 jours, ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Même des fois 10 ans d'avance. Mais bien souvent, ce qui va arriver, c'est que la personne n'a pas la conscience de son suicide tout le temps qu'elle est là. Quand on parle de 4 jours, c'est que la personne en question n'a pas suffisamment d'expérience de ce vide. Alors, elle n'est pas assez dans le vide. L'âme tueuse doit venir lui donner de l'expérience, de venir l'amadouer. Donc, on parle de préparer le suicide. C'est-à-dire qu'en réalité, elle désensibilise l'ego qui est déjà là de la peur du suicide. Comme on peut désensibiliser une personne qui est claustrophobe ou encore qui est ascensorophobe, peur des ascenseurs, on peut la désensibiliser. L'ego, donc, on prépare, c'est-à-dire qu'on commence par une petite chose, on explique, enfin, il y a une instruction qui se fait à l'intérieur, puis à un moment donné, on lui dit, voilà, maintenant tu es prêt, c'est... Puis voilà, c'est fait. Mais préparez ça 3 ou 4 000 ans à l'avance. Si une personne est terminalement malade, cancer, etc., il y a pour 6 mois seulement, il y en a pour 6 mois seulement, est-ce que ça donne quelque chose de mourir très péniblement et lentement? Ben oui, c'est sûr, ça donne quelque chose. Ça permet de stimuler l'économie mondiale. Une chose certaine, c'est qu'une personne qui a un néo terminal, qui a un cancer en phase terminale, et disons pulmonaire, qui en a pour 6 mois à vivre, comme si un médecin était capable de dire combien de temps tu en avais à vivre, Et 12 ans après, cette personne-là nous explique qu'elle en avait pour 6 mois à vivre, le 12 ans. Tout à l'heure, on parlait de testament biologique. Avant de décider que l'intelligence ne peut plus rien pour nous, mieux vaut préparer un testament biologique avec des paramètres d'intelligence. Si un jour on doit m'intuber, je dois rester connecté sur un ventilateur. Si on doit me nourrir par intraveineuse, si on doit m'humecter les yeux, si... Bref, on doit m'entretenir comme une plante. Je ne conçois pas l'intelligence de... Si vous voulez m'entretenir comme une plante, plantez-moi. 6 pieds sous terre. Oh, ça va venir par repousser. Mais lorsque l'individu a sa conscience, qu'il est là, qu'il a encore la tête ou le cerveau, même si le corps a de la misère à suivre... Tes cheveux pourraient repousser, peut-être. Non, tu sais que l'homme nouveau va être chauve. Ouais. Fait qu'il y en a quelques-uns ici qui ont du travail, en tout cas, c'est pas grave. Puis les autres, ça s'est réglé, hein, vous allez se finir. Bon, c'est... tant mieux. T'as tout ton ego comme tu veux, hein? C'est vrai que tu règles son problème. Alors, non, on ne doit pas penser à mettre fin à ces jours parce que le corps physique ou l'état événementiel dans lequel nous vivons ne plaît pas émotivement à notre conscience astrale. Oui, mais c'est stupide d'être atteint du cancer, c'est vrai. Mais tu t'en égoïses pareil. Les 6 mois qui te restent, tu t'en égoïses suffisamment, pas une promesse que je te fais, là. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'un individu sur son lit d'hôpital, totalement sur les drogues fortes, avec une souffrance qui, sans ces drogues, est absolument terrible, ne conscientise les choses, de la difficulté à parler, de la difficulté à le communiquer, mais elle est toujours présente, elle finit par accepter, tolérer sa mécanique, elle finit par observer toutes les structures de l'ego qui fait qu'elle voudrait se suicider, qu'elle veut vivre, qu'elle s'accroche, elle découvre le monde de la mort, elle se crée un double éthérique. 6 mois après, le corps physique n'en peut plus, il meurt. L'individu gagne le blanc moronciel, du monde de la mort, des entités astrales viennent la chercher, et elle voit son double éthérique beaucoup plus luminescent, puis elle se dirige dessus. Son dernier 6 mois d'apparente bêtise l'a rendu immortel. Corps physique, on s'en balance. Le prochain corps, il ne meurra pas, il ne mourra pas. Mais c'est, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on ne doit pas se regarder dans le miroir pour se dire « Ah oui, ben là, ça vaut pas la peine que je vive. » Puis de pessique. Quel est le rapport entre l'ADN et l'acide aminé? Bon, ben, premièrement, il n'y a pas de rapport tel quel. L'ADN, ben, il y en a un, mais c'est complémentaire. Les acides aminés servent à constituer les chaînes d'ADN. L'ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique, donc c'est un ribose, un sucre sur lequel se placent des acides nucléiques. Les acides, enfin, là, faut je rentrerai dans des détails assez intéressants, on pourrait plutôt se référer à quelques livres médicaux. Si on veut avoir une information différente, l'acide aminé, du point de vue de l'évolution, sert énormément à la transformation des énergies vitales amenées par ce qu'on appelle les aliments, entre autres. C'est-à-dire qu'il y a des acides comme l'acide chlorhydrique, il y a la bile, il y a différents phénomènes qui commencent des prédigestions, la salive, etc. Sauf qu'au niveau cellulaire, au niveau de la physiologie presque moléculaire ou atomique, mais disons moléculaire du corps physique, la constitution vitale, l'énergie vitale qui oblige différentes formes d'acides aminés de se grouper selon certaines façons permet de démolir des énergies vitales de d'autres éléments qu'on appelle des nutriments, parce que l'humain considère souvent qu'il a besoin de fer, alors qu'en réalité, il a besoin de l'énergie vitale contenue dans la forme du fer. Quand l'énergie vitale est absorbée, le fer, nécessairement, va être ionisé ou va carrément être détruit ou va être rejeté sous un état beaucoup plus lamentable, oxydé ou des choses en genre. Alors, au niveau de l'évolution, les acides aminés servent surtout à digérer l'information amenée par le corps, par les voies du corps physique. Et l'ADN, ce qui est un sucre, une chaîne, une forme d'escalier, Et l'ADN, lui, va servir simplement à codifier, à conserver en mémoire des formes vitales qui permettent d'engendrer des manipulations de toute la structure biologique au niveau, par exemple, de la prolifération cellulaire, de la recréation d'acides aminés, de la reconnaissance des mécaniques qui servent à l'entretien de la vie, c'est-à-dire l'ADN sert à ce qu'une cellule se divise dans un sens plan, à ce qu'une cellule qui n'est plus suffisamment énergisée meure. Quoique présentement, la division cellulaire est un rejet d'évolution chez l'humain. On rejette ce qu'on pense d'être les vieilles cellules, c'est les cellules neuves qui ont codé la mémoire neuve, et c'est ceux-là que l'on rejette. On appelle ça les vieilles cellules parce qu'elles meurent, parce qu'elles sont rejetées par le corps physique, mais présentement, la division cellulaire dans un corps complexe amène toujours à la mort du corps complexe, bien que la division cellulaire soit éternelle dans un bocal d'expérience, ça s'en va à finir. Il y a un rejet du neuf. L'ADN va coder, c'est-à-dire qu'on a quatre acides nucléiques qui, selon leur emplacement sur le ribose, vont déterminer ce qui va se passer au niveau de la gestion des molécules, des énergies, donc des acides aminés. On pourrait en parler longtemps, mais en tout cas, à un moment donné, je fais une conférence devant les médecins. On reviendra. Selon l'auteur de Dieu brille par son absence, c'est l'homme qui est un virus et non l'âme. L'âme a le même point de vue que lui, sans doute. S'il est vrai que l'un soit un virus pour l'autre, comment sais-tu que le virus humain l'emporte sur le virus âme? Oui, bien évidemment, d'un point de vue comme dans l'autre, effectivement, c'est intéressant. Pour les forces yiniques, yam, c'est Satan. Pour les forces yaniques, yin, c'est Satan. Alors, effectivement, pour l'âme, le virus, c'est l'intelligence. Pour l'intelligence, le virus, c'est l'âme. Comment savoir que le virus, enfin l'intelligence, l'emporte sur le virus de l'âme? Pas assez simple, c'est qu'on a qu'à fouiller dans l'histoire pour se rendre compte qu'effectivement, on gagne. Non, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je n'ai pas une âme tueuse au sens où tu l'entends, puisque depuis que j'ai 6 ans, je me suis dit que c'est ainsi que je mourrais et non par impulsion. Dans ma famille, 4 personnes l'ont fait. C'est plus esthétique et intelligent que de mourir débile de vieillesse. Restez en vie, mais vous allez mourir quand même. Toute mort est un meurtre de toute façon, même de vieillesse. Dernièrement, je me disais, c'est facile à faire, il suffit de ne pas y penser au moment de le faire. Une mémoire d'intervention à l'envers. Est-ce possible que mon mental participe à cette idée de suicide, puisqu'il a donné à l'âme les moyens matériels de le faire facilement? Je n'ai pas l'instinct ni de reproduction, ni de survie. Je trouve débile ces deux prisons. Bon, évidemment, il y a des exceptions, même parmi les exceptions. Alors, effectivement, c'est possible non pas que le mental, mais que l'intellect, c'est-à-dire que la personne soit elle-même investie de mécaniques qui n'ont pas nécessairement peur de la mort. Ce n'est pas nécessairement une conscience suicidaire de ne pas avoir peur de la mort. Et évidemment, vu que la personne a un intellect qui peut avoir des facultés de logifération mentale, peut-être même de mentalisation, va être capable de découvrir le monde et se rendre compte que le monde, finalement, il n'est pas si, etc. Beaucoup d'enfants teflons sont comme ça. Alors, n'ayant pas peur de la mort et voyant un monde stupide, il peut devenir tout à fait mental et logique de se suicider. D'ailleurs, je parle dans les livres que j'ai écrits sur l'enfant teflon que beaucoup, dans bien des cas, leur suicide est un choix logique. Manipulation, bien souvent, au niveau d'âme tueuse, mais du point de vue de l'extérieur, ça devient un choix logique. Donc, il est effectivement logicalisable de penser au suicide. Le suicide, c'est ça, un suicide esthétique. Le suicide, finalement, c'est-à-dire de mettre fin à l'absurdité. La problématique, c'est que si nous n'avons pas suffisamment de données, nous conviendrons bien souvent qu'une peinture que vous aimez, bien, vu que vous avez les yeux collés dessus puis vous observez, vous ne voyez vraiment pas l'esthétisme de la peinture, donc de la vie ou de l'événement. Puis à un moment donné, vous prenez votre briquet, vous mettez le feu à la peinture. Puis là, c'est réglé. Sauf qu'il manquait de données. À un moment donné, la vie va vous donner un point de vue plus reculé, c'est-à-dire que la conscience prend de l'expansion. Et à un moment donné, bien, elle finit par trouver que, encore une fois, il faut qu'on soit vivant. Sinon, bon, on se suicide. Moi, ça me dérange pas que vous vous suicidiez. Vous allez revenir. Je ne souffre pas de voir un corps physique mourir. Ça ne me touche pas. Ce qui me dérange un peu, c'est de voir l'intelligence qui se cherche chez vous des corps physiques qui, à un moment donné, vont être capables de résister à la vision lucide de l'intelligence. Dans le début, vous êtes collé, puis ça vous dérange pas. À un moment donné, pouf, premier contact avec l'intelligence, vous découvrez que vous voyez. Puisque vous voyez, ben franchement, ça valait même pas la peine d'avoir des yeux. Ou une conscience. Mais là, c'est le début. C'est comme si on allume votre moteur. Puis le moteur se dit, crime, à quoi ça me sert de tourner, on n'avance même pas. Minute, laisse-moi le temps d'embrayer. Là, on te réchauffe. Avant, il y avait un moteur, mais il ne tournait pas. Maintenant que le moteur tourne, le moteur, il chiale. Une minute. Évidemment, je parle d'une minute cosmique. Année. Lumière. Non, année-lumière, c'est une distance. Il y a une question sur l'antium du Nazaréen qui est resté à gauche, ou quelque part, à gauche du père ou du fils. Oui, Bah, c'était de savoir si l'expulsion de... Tu veux pas que je te le dise? Attendez, pourquoi on la trouve pas? Bon. Qui étaient les trois personnages présents lors de l'expulsion de l'antium du Nazaréen dans le désert? Le qui, c'est pas important. C'était les apôtres. Mais il y avait Lazare. Puis il y avait un autre personnage, puis il y avait un apôtre. Puis ils se sont contés des histoires après. Ont-ils été imprégnés de son antium? On pourrait faire une conférence complète sur ça. Qu'est-il advenu de l'antium du Nazaréen? Bon. Qu'est-ce que t'en penses? L'antium du Nazaréen, c'est ce qui a engendré la grosse mécanicité satanique de la planète. Effectivement, les individus qui étaient à côté ont été imprégnés d'une façon différente les uns et les autres. L'apôtre a été imprégné à un point tel qu'il est devenu le plus vil des disciples du Nazaréen. Lazare a été imprégné à un point tel que pendant longtemps dans son évolution, il vivait une duplication, un dédoublement de conscience dans un côté satanique et dans un côté lazaréen, beaucoup plus yavique, en réalité beaucoup plus luciférien. C'est-à-dire, du point de vue luciférien, l'homme doit évoluer, et du point de vue satanique, les plaisirs de la matière, le mal, enfin l'involution. Quand on parle de Lazare, on parle évidemment d'Hiram Abiff, on parle du comte de Saint-Germain, on parle de Thomas Paine, on parle d'un personnage qui, lui, a une immortalité du point de vue de sa conscience. Et Lazare est un personnage qui, lorsqu'il revient, plus souvent qu'autrement, possède un corps déjà animé. Donc, il vient posséder une conscience, il lui fait faire des choses, et après ça, il disparaît, laissant à la conscience ce qu'il lui a apporté. Les mémoires de l'expérience, plus la matière qu'il lui a laissée. Pendant longtemps, Lazare a engendré des forces extrêmement destructrices et négatives. Il a engendré des sociétés secrètes de destruction pour permettre d'accentuer le Kali Yuga du Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer de l'âge de fer, l'âge du mal de l'âge du mal, l'apocalypse noire, ou là où vers lequel on s'en va. Mais en même temps, Lazare investit de ce qu'il est lui, qu'il a été cherché lorsqu'il était dans le monde de la mort conscient, lorsque tout le monde le croyait mort, que le Nazaréen l'a réveillé, enfin ressuscité. Et cette partie-là a engendré des mécaniques d'évolution ascendante qui contrebalance la partie satanique. Sataniane. C'était qui l'autre, le troisième? Le troisième, c'est... le troisième, c'est Élie. Élie, ce n'est pas le Nazaréen. On n'était pas dans la même classe de l'école. Non. Le troisième, c'est un personnage qui provient d'une autre galaxie, qui est un extraterrestre. C'est Élie. Et il est... on pourra en reparler à un moment donné. C'est surtout de niveau conférence spéciale, parce qu'il y a tellement de termes à un moment donné qui vont échapper. Alors, c'est un extraterrestre, c'est Ellie, qui s'est pointé là, qui est descendu, qui est venu juste jeter un œil pour pouvoir conserver en mémoire la reconnaissance de ce que le Nazaréen fait, pour qu'à un moment donné, dans un temps qui est relativement proche, lorsque on sait que, enfin certaines personnes savent, que le double éthérique, que notre conscience supramentale est reliée par des transports séraphiques à d'autres mondes, que nous sommes reliés dans la mécanicité de fusion, et lorsque nous, sur le plan planétaire, lorsque les humains qui vont parvenir à expulser leur antium, ils devront être reconnus dans l'intelligence supramentale par des mécaniques de d'autres galaxies. Parce qu'il y a une transfusion par le canal séraphique vers ces mondes, ce qui diminue toujours la conscience supramentale chez un éveillé. Et Ellie, enfin l'extraterrestre en question, a ramené dans son monde l'expérience du rejet de...